Les petits pas de la nymphe adultère. Ne jugez pas la dame à la sans raison. Dans ce monde cruel, elle cherche l'horizon. Elle est l'épouse, une amante, une muse. Dans ses yeux, la tristesse, mais aussi l'excuse. Ne condamnez pas la femme à la six combats. Elle est une mère, une lumière, ne l'oubliez pas. Dans ses pas, des erreurs, des douleurs, mais aussi des rêves, des couleurs. La typesse que vous voyez a un cœur qui bat. Elle a aimé, trahi, mais elle est toujours là. Compagne fidèle ou amante éphémère, elle cherche juste un peu de lumière. Ne condamnez pas la femme à la six combats. Elle est une mère, une lumière, ne l'oublie pas. Dans ses pas, des erreurs, des couleurs, mais aussi des rêves, des douleurs. La gonzesse que vous jugez a des histoires à raconter, des nuits de passion, des jours à pleurer. Et elle est une nymphe, une déesse, une tigresse. Dans son cœur, des blessures, mais aussi des caresses. Ne condamnez pas la femme, elle a ses combats. Elle est une mère, une lumière, ne l'oublie pas. Dans ses pas, des erreurs, des douleurs, mais aussi des rêves, des couleurs. La demoiselle que vous voyez a des rêves enfouis, des espoirs brisés, des amours inouïs. Elle est une sirène, une muse, une étoile. Dans ses yeux, des larmes, mais aussi des voiles. Ne condamnez pas la femme, elle a ses combats. Elle est une mère, une lumière, ne l'oublie pas. Dans ses pas, des erreurs, des douleurs, mais aussi des rêves, des couleurs. La nana que vous critiquez a un passé lourd, des amours déçus, des promesses d'un jour. Elle est une héroïne, une amante, une reine. Dans son cœur, des peines, mais aussi des chaînes. Ne condamnez pas la femme, elle a ses combats. Elle est une mère, une lumière, ne l'oublie pas. Dans ses pas, des erreurs, des douleurs, mais aussi des rêves, des couleurs. La donzelle que vous blâmez a des secrets cachés, des nuits de folie, des jours à espérer. Elle est une déesse, une muse, une amante. Dans son âme, des blessures, mais aussi des instants. Ne condamnez pas la femme, elle a ses combats. Elle est une mère, une lumière, ne l'oublie pas. Dans ses pas, des erreurs, des douleurs, mais aussi des rêves, des couleurs. La meuf que vous voyez a un cœur en or, des amours perdus, des espoirs encore.